Me? Mm. You shut yourself off behind guard dogs, armed men, an array of locks. Well, I value my seclusion. No. No, you're frightened. Look at you now. You're edgy. Well, I don't like people. And you're perspiring. Well, it's hot in here. Then why not open a window? Shall we do that, Mr. Rathbone? Open a window and let the air in. No! Nothing frightens me, you understand? Nothing! Nothing! À tout le monde, bonjour, bonjour. On vous souhaite évidemment. En fait, je voulais commencer autrement, je vais la refaire. Bonjour, Bulle de Rêve, bien sûr, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sur les internets, ou, et je le donne suffisamment rarement, le numéro du studio 01 43 71 89 40. 01 43 71 89 40, et vous pourriez appeler et tomber sur la douce et belle voix d'Antoine qui pourrait vous dire allô, oui, bonjour, Radio Libertaire, Bulle de Rêve. Et là, normalement, j'avais un long texte, super drôle, je vous promets, car j'ai découvert, tard, je sais, mais j'ai découvert Douglas Adams, donc le guide du voyage galactique, qui a été absolument incroyable. Et donc, j'avais un texte d'une drôlerie incroyable qui mélangeait les insectes, les stra galactiques, les meurtres, enfin voilà, c'était drôle. Mais il y avait Nicolatis dans le texte aussi, et Nicolatis n'est pas là. Et il y avait Marie-Pauline Mollaret, mais Marie-Pauline Mollaret n'est pas là non plus. Donc vous n'aurez pas ce texte hilarant, digne de Douglas Adams, et je le mettrai dans un cahier, et comme Douglas Adams, on le retrouvera après ma mort, 40 ans, en disant « Oh, qu'est-ce que c'était drôle, c'est dommage, on a loupé cette intro ». Voilà, c'était, je range Douglas Adams, mais voilà, c'était mon coup de cœur. Je voulais faire aussi une espèce d'intro à la Francis Gavel, vous savez, comme il le fait si bien, c'est pour ça que j'ai dit le numéro téléphone aussi, il le fait très bien. Mais décidément, non, j'aime pas cette classe aussi de Francis Cavel. Mais on a autre chose, donc on a Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Alexis. Et donc on a une émission encore. On a une émission aujourd'hui encore en resserré. Hein, un truc qui se passe en ce moment visiblement dans le monde et qui fait que les gens voilà ne viennent pas. Vous avez entendu en entrée, vous avez entendu Diana Rigg et Emma Peel, parce que tout simplement Emma Peel est le personnage le plus incroyable de la Terre, du monde entier, et Emma Peel est voilà mon personnage fétiche de tous les temps. Et Emma Peel est j'aime beaucoup ce moment que j'ai vu récemment sur d'un épisode qui s'appelle You Have Just Been Murdered, donc qui est dans la saison 5, l'épisode 21, je précise. Et où en effet, elle en parle de peur, et je trouvais que ça allait bien avec aujourd'hui en disant, elle lui dit, on va ouvrir la fenêtre et vous allez voir, on va laisser entrer là, on va aller voir. Elle fait, non, j'ai peur de rien. Je trouvais que ça allait bien avec tout ce qu'on vit en ce moment. Vous entendez ensuite la sublime musique. On en parlait un petit peu pendant que la musique passait de Warren Ellis, de Nick Cave aussi, mais j'avoue que Warren Ellis, et évidemment Nick Cave, c'est un incroyable chanteur. Enfin, un petit bisou à Marie-Pauline au passage, on sait que c'est une grande fan. J'avoue que moi, je suis un grand, grand fan aussi de Warren Ellis. Et là, c'est La Panthère des Neiges. Qu'Antoine vous dit d'aller voir. Oui, complètement. Enfin, en tout cas, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, beaucoup apaisé, qui nous emmène, pour ceux qui ne sauraient pas de quoi ça parle, à la recherche de la Panthère des Neiges, pour aller la photographier, et qui, à part des interventions de Sylvain Tesson, qui parfois sont un peu redondantes avec l'image et qui... où on aurait aimé avoir juste l'image et la merveilleuse musique de Nick Cave et Warren Ellis pour profiter de ces instants. À part ça, c'est un film qui est vraiment captant, qui nous emmène dans un univers pendant 1h30. Et c'est rien que pour ça, en ce moment, ça fait du bien. Donc écoutez, et la musique, et donc allez voir le film. En deuxième partie d'émission, on aura un entretien enregistré. Alors ça sera un extrait, je m'excuse. Déjà auprès évidemment des autrices et des auditeurs de Radio Libertaire, c'est en anglais, on n'a pas eu le temps, on l'a fait jeudi et j'aurais bien aimé faire une traduction à ce moment-là, mais ça a été impossible à faire la traduction en direct et quelque chose de compliqué, donc malheureusement, mais c'est dommage. Alors on a d'un côté nos deux accents français, Marie-Pauline et moi, et l'accent polonais de Marta Pajek, mais c'est une réalisatrice. Alors pour les gens qui connaissent pas Marta Pajek, c'est Marta, donc Marta Pajek, et c'est sûrement pour moi en tout cas l'un des plus grands chocs que j'ai eu ces dernières années. On l'a connu notamment avec un film qui s'appelle Impossible Figures Another Story 2. Elle a fait le numéro 3 et là elle vient de finir le numéro 1 qui finit cette trilogie, mais elle nous expliquera, c'est comme un triptyque, il y a une installation qui est prévue aussi, et c'est pour moi l'un des vraiment des grands grands chocs. Et je crois que j'ai coupé la fin de l'entretien, donc vous l'entendrez pas, mais à la fin je lui dis à quel point j'étais, et pourtant on s'est rencontré un petit peu, mais à chaque fois je suis terrorisé de l'interviewer parce qu'en fait je sais pas quoi dire sur son cinéma, ce qui est embêtant pour un intervieweur, parce que c'est juste pour moi quelque chose qui vient du bide, et donc vous aurez ça après. Et après tout ce blabla, on reçoit 10 ans après, elle était là, j'ai regardé en novembre 2010, jeune étudiante, et 10 ans après on reçoit Louise Caillet. Bonjour Louise. Bonjour. Alors on est ravis d'avoir Louise. Tu as une petite présentation avant, on va faire des news avant, on reviendra après sur truc, ou tu veux faire une présentation, oui, tu la feras après. C'était un peu pour enchaîner. Et ben non. Alors on fera tout à l'heure. En tout cas, Louise, on est ravis de la voir. Ça fait partie. Elle le sait. Et à Bulle de Rêve. Et moi personnellement, on suit ce qu'elle fait depuis longtemps, depuis qu'elle est étudiante. Et je pense que ça fait partie des gens. J'ai arrêté de dire trop de gentillesse avant de faire des questions, parce que sinon mais ça fait partie des gens qui ont au moins une justement à la fois une vraie signature et à la fois on en reparlera avec elle, ne pas se laisser forcément justement fermer dans un style, dans un genre. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Donc on va voir avec elle, et puis elle a un petit côté qu'on aime bien à Bulle de Rêve, parce que elle fait ses films elle fait ses films parce que l'important c'est de faire ses films, mais ça c'est on aime bien ça, et on veut un peu mettre ça en avant. On va faire une première pause musicale. J'ai beaucoup hésité, je voulais absolument vous mettre du Zilan Ardor, qui est ce groupe metal que j'aime beaucoup, mais Antoine a choisi des musiques douces, alors je me suis dit je vais suivre un petit peu ce qu'a fait Antoine pour pas mettre, donc je garde Zilan Ardor, parce qu'en plus, ça va, l'album sortira qu'au premier trimestre. Ils ont sorti pour l'instant 5 morceaux. Donc, on va écouter quelque chose d'autre. Un groupe qui s'appelle Sonlux, qui est un trio qui mélange électro, un peu rock, pop. C'est un truc assez étonnant. Et ils ont fait une trilogie d'albums. Et après cette trilogie d'albums, ils ont décidé de reprendre certains morceaux et de les réarranger avec des chanteurs et des chanteuses. Et ici, on a Nappy Nina, qui est une rappeuse voilà, new-yorkaise, si je ne dis pas de bêtises. L'album, le morceau s'appelle Live Another Life, Here For Me. Et donc, c'est Sonlux, S-O-N, plus loin Lux, L-U-X. Écoutez, vraiment, c'est assez... un côté toujours un peu ben, hanté. Je trouve que ça comme terme. On y va. Is your art to partake in? Not decisions I'm making. Indecisive when intertwined with time. It's fine as this. I decline to rewind. Past tense is a miss. I bruise to kiss. My muse is you. You move to prove that that's useless. I'm soothed when swoon. Stay in tune to the movements. Against the groove. Against the grain. For the sake of the exchange. What if I prove pain? Diminish the gain. Would you refrain from rekindling chemical flames? Neither would I. Just think I'm better in skies. It's like I'm bitter on land. Sounds like a hell of a lie. Go live another life. Hop train starts for better odds. Better odds. Better offs. Bulle de rêve, vous écoutiez donc... ça y est, j'ai perdu ma page, pardon. Vous écoutez Sonlux, pardon. Donc voilà, S-O-N-L-U-X. On parlait hors antenne, vous savez qu'on parle beaucoup, on disait la tristesse de voir tous ces concerts annulés. On devait aller voir Godspeed You Black Emperor, qui, si vous écoutez un tout petit peu Bulldoré, normalement, vous devriez connaître. Déjà, avant qu'Antoine arrive, j'en passais. Et depuis qu'Antoine arrive, vous n'avez pas de chance. Un mois, c'est lui. Un autre mois, c'est moi. Un autre mois, c'est lui. Un autre mois, c'est moi. Donc, normalement, vous connaissez un petit peu. Alors, quelques news. On a voulu passer un peu de quelques news. Antoine, tu as la première. Oui, moi je voulais vous parler d'un documentaire sur Patti Smith, qui s'appelle Patti Smith, la poésie du punk, qui est une artiste que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ce documentaire, que je trouve plutôt bien fait, qui est un documentaire donc, de Sophie Reynard et Anne Kutaya, si je ne dis pas de bêtises, et dont les animations ont été réalisées par une personne qu'on a reçue du coup, à Bulle de Rêve, qui s'appelle Anaïs Cora, qui avait notamment réalisé The Man Woman Case et qui est d'ailleurs en train a priori de travailler sur sur une version de long métrage de une suite à cette série. Et voilà, donc il y a quelques animations par Anaïs qui sont dans le film, mais c'est vraiment, le documentaire est assez réussi, je trouve, notamment parce que il fait la part belle au personnage de Patti Smith et aussi sur de tout. Enfin, moi, c'est un documentaire qui m'a donné envie de créer, dans le sens où voilà, il fait la part belle à sa personnalité, à ses engagements, à voilà, la place qu'elle a pris dans le milieu culturel, et puis aussi à cette idée de voilà, créer, même si au début ça marche pas, au début c'est compliqué de trouver sa place et de trouver sa voix. Et voilà, ça donne envie. Merci beaucoup. Donc on regarde, c'est sur quoi? Parce que tu as dit. Pardon, oui, c'est sur Arte. Donc ça a été diffusé sur Arte et on peut le retrouver sur le site d'Arte. Super. Merci. Donc ce documentaire sur Patti Smith, moi je voudrais dire, elle n'est pas là, mais évidemment, elle est toujours un peu avec nous. Marie-Pauline Mollaré écrit très bien, comme vous le savez. Là, c'est pas vraiment une écriture, mais en tout cas, vous retrouvez, on trouvera bientôt nous aussi notre entretien avec Anna Huguetto qu'on a pu faire. Mais sur le site de Bref Cinéma, vous retrouvez un entretien avec Anna Huguetto qui, pareil, vous le savez, on a un peu nos chouchous, mais qu'on aime énormément dans cette émission. Donc voilà, par Marie-Pauline. Donc voilà, sur le site de Bref Cinéma, vous le trouvez assez facilement. Je voulais, moi, vous parler aussi. Alors c'est toujours un peu embêtant quand c'est soit quand moi je présente, donc c'est moi qui vais présenter la séance, mais je pense que c'est un personnage qui est assez passionnant. Jeudi 13 janvier, vous pourrez aller voir au Forum des Images, il y a une séance, donc séance tout anime avec Jalal Magout. Jalal Magout, c'est un réalisateur syrien qui a commencé en Syrie à animer, qui est maintenant en Allemagne, et il a... Enfin voilà, je veux dire, c'est souvent on a cette espèce d'erreur en Occident, vous le savez, de ah bah il est syrien donc on va s'intéresser à son cinéma parce qu'il y a un côté un petit peu ben voilà quoi, bah, oui, évidemment avec tout ce qui se passe en Syrie, et évidemment il y a ça, mais il y a, c'est là qui est fabuleux avec Jalal Magout, c'est qu'il a réussi alors que d'autres se sont un peu perdus aussi par rapport à ça. Jalal Magout, lui, a continué à travailler, il fait un travail qui est assez incroyable, il a un univers personnel d'une force absolument, enfin voilà, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et je trouve voilà, avec un cinéma alors que voilà, des gens cabossés un peu dans tous les sens. Il a aussi son... Voilà, il a des chiens qui sont une espèce d'obsession comme ça, des animaux qui arrivent. Donc voilà, Jalal Magout, Forum des Images. Donc son passage de Syrie aussi à l'Allemagne, ça sera 19h le jeudi 13 janvier. Je vous conseille de regarder sur Vimeo, voilà, des choses intéressantes. Alors, un film qui s'appelle Forever de Mitch McLaughlin. Alors, McLaughlin, G-L-O-C-K-L-I-N, McLaughlin, G-L-O-C-K-L-I-N, qui s'appelle Forever. C'est un film très étonnant sur qu'est-ce qu'amène la technologie. C'est un personnage, alors c'est un système technologique dont je vous parlerai pas là, qui est assez complexe, mais en fait il a fait un film sur lui-même. Un jour il a reçu un coup de téléphone en fait de son assurance qui lui dit en gros, ben de toute façon vu vos antécédents on peut pas vous assurer. Il a des antécédents plus ou moins d'alcoolisme, etc. Et en fait, il s'angoisse qu'une intelligence artificielle puisse lui dire qu'en fait, il n'a plus beaucoup à vivre, en tout cas, qu'on ne va pas le donner. Et en fait, il se pose des questions par rapport aussi à cette intelligence artificielle, et tu te dis, mais finalement, c'est bien, parce qu'elle me connaît, et même si je meurs, ben voilà, j'aurai cette espèce. Et en fait, c'est toute notre relation avec l'intelligence artificielle, mais faite de manière plus intéressante que juste, ah, je suis tout le temps avec mon portable, comme aujourd'hui, tous les films sont, ah bah oui, tous les gens sont derrière leur portable, ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment notre rapport avec ça, donc passionnant. Et puis bon, allez, mais c'est pas plus grand film, mais c'est George Fussgöbel. Donc voilà, George Fussgöbel, donc grand nom de la réalisation en animation, La bataille de San Romano, The Battle of San Romano, est arrivé sur son Vimeo. Je vous conseille de le regarder. C'est très court, mais c'est du George Fussgöbel, donc ça vaut toujours la peine. En tout cas, je le pense. Allez, un petit peu de pub. On va faire un petit peu de pub. Je suis désolé, mais quand même, pour le Piaf. En plus, ça tombe bien, puisque Louise Gayet sera membre du jury au Piaf. Son film Montagne était en compétition l'année dernière. Et donc, on aura, on va avoir ben voilà, de nouveau une édition en janvier. On avait commencé en juillet. Je vous donne les dates du 19 au 24 janvier. J'ai tellement bien fait mon boulot de faire un truc que je n'ai même pas le site internet. Donc, bravo, Alexis. Je vends bien mon festival. Mais en tout cas, voilà, vous tapez Piaf, Ursuline. J'espère que vous tombez sur Facebook. On a aussi une page Facebook, on est obligé. Enfin voilà, venez s'il vous plaît. Alors pas que pour moi, pour les auteurs. On a de la chance. Il y a des auteurs, j'espère que ça va pouvoir bien se passer. Voilà, qui viennent aussi de l'étranger. D'ailleurs, on en a plus qui viennent des fois de l'étranger que de France. C'est toujours étonnant. Mais voilà, donc bon, c'est moi qui ai fait la sélection, donc j'ai du mal à vous dire venez parce que ça va être génial. Ce sera un peu gênant quand même de vous dire ça, mais enfin bon, voilà. Moi, c'est une sélection. Ça va être génial. Merci Antoine. L'affiche est superbe. Elle est d'Antoine Bieber. Les deux affiches sont magnifiques. On s'envoie des fleurs. Faut bien que ça serve à quelque chose. Donc voilà, venez. Non, mais en plus, on est aux Ursulines, c'est un cinéma indépendant, donc vous avez une carte pour les cinémas indépendants. Donc, c'est faire aussi vivre les cinémas indépendants. Et en ce moment, vous savez à quel point c'est un vrai combat en ce moment. C'est pas juste, tiens, faire vivre les cinémas indépendants, c'est faire vivre les cinémas indépendants contre aussi les gros cinémas et les gros complexes qui continuent, même difficilement, à faire un peu d'argent. Ça commence donc mercredi, je vous l'ai dit, 19 janvier, avec une très belle programmation pour la première séance d'ouverture. Vous aurez Noir Soleil de Marie Larrivée, qui était à la semaine de la critique à Cannes. Vous aurez, si vous n'avez jamais vu Nightbus, alors je ne vais pas trop en dire parce que Louise étant dans le jury, je ne veux pas non plus que d'un seul coup il y ait des choses avant, mais Nightbus de Joe Hsieh, une espèce de film d'horreur taïwanais complètement fou, grand prix à Zagreb cette année. Et on aura aussi Mordre les morts de Naomi Yano, grand prix à Ottawa cette année. On a fait, on a mis tout lors de la première. Puis des films, Nous étions une bombe stérile sur, pas complètement l'homosexualité, mais un peu en Israël. Et il raconte, c'est vraiment totalement rénon. On connaît quasiment pas en France, aucun de ces films n'est passé en France. Joe Hsieh non plus. Brad Hawk, film vachement, bah voilà, super bien. Je vais pas tout vous dire. George Fitzgibbon, son nouveau film sera jeudi avec Tronette Pinnacles. Ne loupez pas Souris de Noam Moshley, qui est l'un de mes petits coups de cœur, voilà, complètement fou, qui prouve que l'indépendance aux États-Unis est juste absolument incroyable. Des films très politiques aussi comme Bestia, film chilien. On aura la séance 3 à ne pas louper, donc avec le film de Léane Vivier Chappas, La Fée des Robert, qui était à Venise. Je vends bien là les choses. Bye bye Elida Titouan Bordeaux, qu'on aurait adoré avoir et qu'on espère avoir un jour ici. Bah voilà, qui est un petit peu, comme je parlais de Louis tout à l'heure, voilà, quelqu'un qui fait ses films et qui avance pour faire ses films. Et c'est un film de 36 minutes. Je pense que vous aurez malheureusement peu l'occasion de le voir sur grand écran. Le loupez pas. J'espère pas pour lui. J'espère qu'on le verra. Mais voilà, avec des choses aussi très, très, très intéressantes comme Le ciel au-dessus de la ville de Rosalie Loncin, Le bourreau chez lui. Je vais pas vous faire tout. Vous n'inquiétez pas. Et la séance 4, à ne pas louper, avec un film d'Emily Merighetti, qui est l'une de mes petites chouchoutes, voilà, réalisatrice qui était en compétition déjà étudiant, qui était en jury l'année dernière, et là, c'est son film dans son temps de l'école, Vitalité. Mais il y a le dernier Koji Yamamura, voilà, c'est Atamayama, c'est vrai, quoi. Le dernier Marta Payek, le dernier Shpela Kadesh, Steakhouse, super fort, le dernier Yuriko Mizushiri, la réalisatrice de Futon, c'est son dernier film. Un film, je vous dis le titre en français, Pousse de soja carnivore. Je vous laisse le découvrir en salle. Et un autre film dont je vous laisse découvrir aussi en salle qui s'appelle Dans ma poitrine de feu, il y a encore une place pour tremper ta dague. Si vous avez été élevé avec les Pikachu, venez le voir. Voilà, c'est un film espagnol et on finit par un film apocalyptique, évidemment. Allez, je ne vous dis pas les films étudiants, jeudi, vendredi. Si vous avez l'occasion, Compétition Horizon, où on va avoir des films du Bangladesh, d'Azerbaïdjan, de Biélorussie, de Colombie, de Syrie, de Turquie, de Philippines, du Maroc. Voilà, plein de pays un peu moins connus. C'est le samedi à 16h. Et pour danser, une compétition musique, le samedi à 18h. Et en avant-première, je vous dis... quasiment tous les jurys, allez, on se fait plaisir. Dans le jury, donc, pro, en plus de Louise Caillet, on aura Manon Messian, qui travaille, donc, productrice à Iliad Film. Richard Nègre, réalisateur assez passionnant, expérimental, qui travaille sur des choses assez incroyables. Et Sandra Desmazières, donc, réalisatrice notamment Comme un fleuve, qui était aussi en sélection. Je suis très content aussi, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop ce genre de choses. Et elle a dit oui, donc ça va faire un beau jury étudiant. Il manque une personne. Pour l'instant, c'est encore voilà. Jury étudiant, Violaine Lécuyer et Camille Almeras. Donc, très bon, on va voir la troisième. Musique, Thomas Fouet, que certains connaissent ici. Hein, longtemps, je me suis couché de bonheur. Camarade de Francis Gavel. Pierre-Aubert Kampf, musicien notamment de L'Or de l'Ours. Et Léa Kravzik, ancienne aussi de La Poudrière. Et allez, et je vous cite juste parce que quand même, il y aura un jury presse du syndicat de la critique. Deuxième, ça sera gêne en direct. Vous pourrez voir des critiques s'engueuler ou au contraire dire oui et remettre leur prix. C'est un grand moment. On avait eu un grand moment il y a 2 ans ou 3 ans avec Marie-Pauline Mollard et Francis Gavel et Thomas Fouet. Justement, ça a été épique et Marie-Pauline l'avait emporté au final de manière absolument incroyable. Cette année, ça sera 3 personnes qui ne sont pas justement spécialisées en animation. Donc, on est très intéressant. Donc, Christiane Passevent, que vous connaissez puisque elle est ici même à Chronique Rebelle. Et je me suis rendu compte qu'on rencontre plein de gens absolument impressionnants. Et elle a, j'ai regardé un petit peu pour bien dire son nom. Elle a plein de luttes derrière elle. Enfin, voilà, c'est super impressionnant. J'ai regardé ça. Donc, maintenant, je vais me faire tout petit devant Christiane parce que voilà, je ne savais pas à quel point c'était voilà, c'est donc je suis encore plus ravi aujourd'hui hein, de l'avoir bien sûr dans le jury. Voilà, c'était fait pour le Piaf. Voilà, si vous avez l'occasion, et il y aura aussi une séance autour de L'Or de l'Ours, film magnifique d'Agnès Patron. Agnès Patron viendra nous en parler et nous parler un petit peu aussi même des difficultés. On en parlera de financement. On voulait finir. On a pris un peu plus de temps que prévu, et pourtant j'essaie d'aller vite. On voulait finir avec quelque chose qui s'appelle « L'animation française, cet autre cinéma ». C'est un documentaire que vous pouvez trouver sur Canal+, OCS, enfin selon ce que vous avez et tout. La première partie est super intéressante et revient à ce que je disais à un moment donné la dernière fois où je remerciais tous les gens qui étaient des passeurs. On a des gens comme Sébastien Roffa, Jean-Baptiste Garnero, Cécile Noesser est un et pas autant utilisé qu'on pourrait l'utiliser parce qu'elle a des choses passionnantes à dire et ça n'est pas... On a une première partie où on a un recul et on sait ce qu'on dit. Et la deuxième partie, c'est Jean de l'animation, arrêtez un tout petit peu. C'est, on a, alors, évidemment, Antoine Védernard, c'est le capitalisme a vraiment gagné, quoi. C'est insupportable. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment donné, on parle du cartoon movie et c'est fini. C'est-à-dire qu'on parle que de fric, mais vraiment, c'est ça. Et je suis désolé, c'est un monsieur que je respecte énormément pour son travail, mais quand Didier Brunner ose dire à un moment donné « Ah, on est déjà nominé aux Oscars », c'est comme si on l'avait. De toute façon, Disney va l'avoir. Non, il faut arrêter un peu. Je veux dire, c'est quoi ce truc d'être absolument devant Hollywood et de se dire juste « on est déjà, ils nous donnent une toute petite part de gâteau, c'est déjà bien ». Et c'est les mêmes qui vont râler contre Hollywood, hein, bien évidemment. Ça m'agace comme pas possible. On ne parle que de ça. La deuxième partie est détestable, insupportable. On ne parle pas du tout de mon nez. Il y a des choses qui disent. Il y a même pourtant des gens intéressants, comme Léa Gobé-Mévélec, l'Hirondelle de Kaboul, qui est quelqu'un de passionnant, qui dit mais. La petite dit ça dans un moment donné, c'est coupé. Elle dit ah oui, même le film, le montrage d'animation peut pas avoir le César. C'est pas vrai. À l'époque, c'était le premier film, mais peut être nominé. Sauf que personne ne le nomine. Enfin, c'est du n'importe quoi. C'est de l'emporte-pièce. Enfin voilà, c'est ridicule. Vraiment, cette deuxième partie, autant cette première partie, il aurait fallu rester là-dessus. Et c'est dommage parce que encore une fois, ce régime du cartoon, je comprends. Hein, je sais qu'il faudrait que je sois un peu plus des pieds sur terre et que on a besoin d'argent, qu'il faut et que les artistes ont besoin de gagner de l'argent et que pour faire des films, mais à un moment donné aussi où, enfin, voilà, on sort ses tripes. Alors oui, je sais, c'est difficile, mais oui, c'est pas nouveau. Le grand capital veut pas forcément des films qui les bousculent. Et quand ils acceptent ensuite de produire Lynch, c'est parce que parce qu'il fait de l'argent maintenant Lynch. Et donc c'est plus facile de produire un Lynch quand Bouygues produit Lynch, et parce que derrière il y a Twin Peaks, et que juste Twin Peaks a fait de l'argent et qui fait, ok, je veux bien dans ce cas-là le financer, quoi. Arrêtons un peu. Cette deuxième partie m'a agacé à un point qui est pas possible. Et qui est pour moi, alors vraiment, l'échec total qu'on a en animation. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se dit, oh, on s'intéresse à nous. Bon, ben vite, où est-ce qu'on a de l'argent pour essayer de faire ça? Et ça m'insupporte. Antoine, tu voulais dire un truc ou... Non, ben, je partage ton constat. La deuxième partie du documentaire est un peu problématique à plein d'égards, notamment... Enfin voilà, il y a aussi toute une partie sur l'animation adulte en France. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à arrêter de se plaindre sur le fait qu'on ne peut pas produire des longs-métrages adultes en France, parce que ça commence à être le cas. Et en fait, à force de chouiner, je trouve que c'est plus efficace. Et en fait, il faudrait arriver à dépasser ce questionnement-là, c'est-à-dire... Oui, d'accord, des longs-métrages adultes, mais aussi enfin, vers quel public, commencer à réintroduire la question de genre là-dedans. Enfin, voilà, je pense que c'est plus intéressant que tout englober autour de la question du long-métrage adulte, parce que ça existe maintenant. On ne peut plus dire que c'est une difficulté incroyable. C'est plus le cas. Ah oui, puis c'est très bien que tu parles de long, parce qu'en fait, la deuxième partie, on oublie le court. Oui. C'est-à-dire que la première partie, c'est « Ah oui, il y a du court », la deuxième partie, c'est... Maintenant, le monde de l'animation ne regarde plus que le long métrage. C'est-à-dire que si on ne fait pas du long métrage, on n'est rien. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombé dans ce qu'on ne voulait pas tomber, parce que quand même, des longs métrages d'animation. Sincèrement, moi, j'en ai vu, les trois quarts m'emmerdent. Je suis désolé d'employer le mot emmerdé, parce qu'en ce moment, évidemment, on l'emploie un peu à truc comme ça. Pareil, j'avais envie de dire, Jean de l'anime, arrêtez de tomber dans les trucs de com. Ça m'a énervé sur Facebook, tout le monde parlait. Ah, oh, il a dit emmerdé. C'est un tellement truc de... Enfin, je parle sur autre chose, mais c'est tellement un truc de com. C'est... Évidemment, il l'a dit pour... Bah, même moi, je parle de cet abruti, alors que je ne devrais pas en parler. Justement, évidemment qu'on s'est fait avoir, tout le monde s'est fait avoir. Ah, oh, il a dit emmerdé. Enfin, voilà, donc... C'est juste, non, mais pour revenir sur ce documentaire, c'est vraiment juste dommage que d'un seul coup, il y a des choses passionnantes, il a plein de gens passionnants. Encore une fois, cette première partie, Sébastien Ronfa est passionnant. Oui, j'allais dire, la première partie, c'est vraiment, c'est intéressant à voir, et ne serait-ce aussi pour, il y a une grosse présence de Jean-François Laguioni dans le documentaire, et c'est un vrai plaisir de l'entendre et de parler de son parcours. Enfin, voilà, il y avait quelque chose à faire. Je pense qu'il y a, une erreur qui est aussi de vouloir embrasser l'intégralité de l'histoire de l'animation française sur à peine plus d'une heure, ce qui n'est pas possible. Oui, puis, voilà. et puis, encore une fois, c'est ce switch à un moment donné. C'est-à-dire, d'un seul coup, comme tu dis, c'est se plaindre et dire « Oh, on veut de l'argent ». C'est insupportable. Arrêtez un tout petit peu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je pense qu'aussi, à un moment donné, enfin, le combat, il vient en ayant de l'argent, mais aussi en faisant des bons films. Et encore une fois, dites-moi, le nombre de longs-métrages européens qui sont bons dans l'année, voire mondiaux, il n'y en a pas tant que ça. Donc, et par rapport au court-métrage, on est encore très très loin. On est encore très loin. On reviendra là-dessus, parce que mes camarades veulent faire absolument une émission de son sur le long-métrage, donc on reviendra là-dessus. Est-ce que, Nicolas, on peut écouter juste un tout petit morceau, normalement, du numéro 3 qui doit s'appeler... qui doit être Wishbone Zoé. Est-ce qu'on peut écouter juste un petit peu? Il fait 3 minutes, mais on ne va pas écouter les 3 minutes, on écoute juste une minute. Merci Nicolas. Donc Wishbone Zoé, vous retrouvez un de ses films, en effet, comme dit Antoine, je suis à fond dedans, de Wishbone Zoé, et vous retrouvez ses films, et vous retrouvez l'un de ses films, Here I Am, dans la compétition musique, on avait entendu sa reprise de Ashes to Ashes de David Bowie. Avant les vacances, on va écouter, pour se reposer un petit peu les oreilles, on va écouter ton morceau. Il y en a deux. Mais c'est le premier. D'accord, okay. Herb Ellis. Bien. Oui, donc on va écouter un morceau de Herb Ellis et Remo Palmière. Ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont deux guitaristes de jazz très connus qui ont fait un album ensemble qui s'appelle Windflower. On va écouter un morceau qui s'appelle lui aussi Windflower, qui a donné son nom à l'album. C'est un album de 1978. Et avec Georges Duvivier à la basse et Don Traxler à la batterie. Et voilà, c'était un. Je voulais vous passer ce morceau parce que c'est un morceau qui m'a accompagné ces derniers jours et j'avais envie de passer du jazz en dédicace à notre auditeur fidèle et également de vous passer un morceau qui est voilà dans la période l'ambiance un peu morose dans laquelle nous sommes, un morceau qui est léger et assez entraînant. Donc voilà, pour souhaiter bonne année à Fabien et à bien sûr tous les heures de Zétis de Radio Libertà, on écoute Herb Ellis. Thank you. Donc on vient d'entendre Windflower de Herb Ellis et Remo Palmière sur l'album du même nom, donc Windflower. Et ben c'est le moment de passer à l'interview de Louise. Donc bonjour Louise. Pour juste resituer ton travail pour les auditeurs de Radio Libertaire, déjà on peut trouver une partie de tes films sur ton Vimeo pour ceux qui voudraient le voir. Donc c'est Louise Caillé, C-A-I-2-L-I-E-Z. Et donc il y a une partie de tes films, pas le dernier, mais une partie de tes films qui sont disponibles. Et donc tu as commencé tes études en animation à l'ESAT où tu réalises Indians en 2010. C'est un film qui met en scène des enfants qui jouent aux Indiens dans la forêt et où un des protagonistes a ses mains qui prennent feu. Tu fais ensuite un petit saut de puce par les Arts Déco de Paris pour une année avant d'intégrer La Poudrière où tu vas réaliser plusieurs films dont Marécage. On en reparlera peut-être plus tard parce que on a l'impression d'y voir quand même les germes de montagne par endroit. Donc c'est un marécage, c'est un film où un fils et son père s'enfoncent dans un marécage comme dans un cauchemar, le père se faisant happer par le marécage et le fils par un arbre. Puis en deuxième année, toujours à La Poudrière, tu réalises De l'esprit d'équipe, une comédie sur une entreprise artisanale de chasseurs d'esprit. Je ne sais pas si ça va comme description. Et enfin sorti d'école, tu réalises donc Montagne qui était au PIAF l'année dernière, un court métrage sur une virée entre potes, enfin ne sont pas clairement tous amis, pareil on pourra en reparler un petit peu, pour l'ascension d'une montagne qui les confronte là aussi à une expérience de plus en plus étrange. Où ils rencontrent donc une matière un peu visqueuse et colorée qu'on avait déjà vue donc dans Marécage. Le tout avec aussi des histoires d'horreur racontées au coin du feu à un moment dans le film. Et en ce moment, entre autres, tu développes une série qui s'appelle Doppelganger, En avant le futur, où le village d'Archigan-Beauval, est envahi par des doubles de ses habitants qui viennent troubler la vie apparemment paisible de la bourgade. Et donc, si j'écris tous ces films, c'est parce que ma première question, c'est quel est le rapport que tu as au paranormal dans ta vie et après dans ton cinéma? Ouais, mis tout à la suite, c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qui me prend. Par exemple, moi j'ai peur des fantômes, alors que je n'y crois pas. Donc c'est totalement incohérent de ma part. Et le paranormal, je sais pas, je crois que j'y crois un petit peu en fait. je le construis pas comme une filmo axée là-dessus, hein, je me rends pas compte de ce que je fais vraiment. Ouais, c'est quelque chose qui vient. Bon, ouais, en fait, ouais. Moi je me demandais, parce que comme c'est quand même un motif récurrent, c'est aussi est-ce que c'est de vouloir raconter des histoires comme ça qui t'a amené à l'animation, ou si c'est de l'animation qui amène à ça dans ton parcours. Non, c'est pas ça qui m'a fait faire de l'animation, c'est sûr, mais. Souvent on se dit, tiens, comme je fais de l'animation, bah, je peux faire des choses un peu fantastiques. Et ça, c'est un biais un peu qu'on a dans le cinéma d'animation et que je retrouve un peu dans Montagne. C'est comme je fais un film d'animation, bah, il faut que j'ai des choses qui soient différentes de la réalité. Et sauf que, pardon, Louise, mais tu vas continuer, hein, ouais, j'essaie ouais. de couper, mais j'ai l'impression que c'est. Alors, je sais pas si c'est paranormal ou fantastique, mais tu l'utilises justement pour parler de la réalité, en fait. Tu parles beaucoup des relations entre les gens. C'est de la métaphore, de toute façon. Ouais. Donc, ouais. Mais dans mon prochain film, je crois qu'il n'y a pas ça. c'est quand même. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'à chaque fois, dans de l'esprit d'équipe, donc ça, c'est, on a l'impression qu'on va vers le film de genre. Il y a tout ce côté-là, un petit peu, film de genre. Ils vont chasser. Et à la fois, on y échappe. Ah, pour moi, ce n'était pas du tout un film fantastique. C'était un film, un buddy movie, en fait. Mm. C'est un film de. C'est un genre, ouais. Le buddy movie. C'est un film de potes et très ancré dans la réalité parce que c'est sur une petite entreprise et tout. Et c'était plutôt un contexte. Le fantastique plutôt que le sujet. Et est-ce que pour te connaître un peu, je sais que tu as un goût pour ce cinéma là aussi, pour du cinéma d'horreur, pour du cinéma d'étrange. Oui. Et je me demandais si justement. Et moi j'ai un goût pour tous les cinémas, donc il n'y a pas de. D'accord. Bah, c'était. Bah, je sais pas si t'avais une question. Non, je me demandais si justement il n'y avait pas aussi quelque chose qui était. Enfin, qui infusait du fait de justement. Est-ce qu'il n'y avait pas des. des auteurs qui justement t'avaient donné l'envie d'aller vers ce cinéma-là? Non, pas spécifiquement, parce que j'ai l'impression que tout est... On regarde plein de films. Moi, par exemple, je lis beaucoup aussi. Mmh. Donc, c'est pas que du cinéma, ça peut être de la musique, ça peut être de la lecture. Et j'ai l'impression qu'on se fait infuser de tout ça, et après, en tant que personne, on ressort les choses. Il y a quand même... C'est peut-être un peu facile, mais notamment avec Doppelganger et puis maintenant, il y a quand même un côté... Alors, ce mot est un peu galvaudé, c'est un peu facile. Il y a un côté un peu cinéma de Lynch, ou en tout cas un cinéma américain, on va dire, qui se base dans des petites communautés, et on va le voir que toi, c'est souvent le cas, dans des petites communautés où il se passe des choses étranges, ou en tout cas, alors peut-être pas forcément qu'étranges, parce que finalement, des choses qui se passent réellement, mais en tout cas, on se rend compte que finalement, sous la surface, encore une fois, on gratte, et on se rend compte qu'il y a des choses un peu bizarres derrière. Ben, il y a une question là ou Il y a un commentaire, mais c'est par rapport à Lynch. Non, mais c'est parce que tu dis, en effet, il y a peut-être des auteurs quand même. Lynch, ça me fait trop peur. c'est une ref, mais il n'y a pas que ça, je pense. Mais le côté petit groupe ou petite communauté, ben, c'est un sujet qui revient. Mais moi, j'aime pas. En fait, ce que j'aime pas, c'est les choses anonymes. Les films, c'est pour ça que je parle de lecture, parce que quand on lit un livre, les personnages sont jamais... ils sont hyper bien décrits et on est avec eux. Et moi, j'aime pas, notamment dans l'animation, souvent, on a un personnage, on dit que c'est un homme, mais cet homme, on sait rien de lui, et ça pourrait être une femme, ça pourrait être ce qui est bien, parfois, pour certains films. Mais moi, j'aime bien avoir des caractérisations et comprendre ces personnages, pourquoi ils font les choses. Alors Nicolas, juste, est-ce qu'on peut écouter, il y a normalement un petit extrait d'une 20 qui est juste après. Et là, bim, je prends le trampin à fond, et comme il n'y avait plus, j'ai failli déraper. Et ensuite... Il a fait quoi, lui? Bah, comme d'hab, c'est foutu de moi. Enfin bref, heureusement que je gère en général l'atterrissage, et ben là, j'ai réussi à faire mon truc. J'ai continué, et en fait, j'étais plus vite que le petit. En plus, il m'énerve. Il a genre 11 ans, il est trop niaiseux. On y va? Trop meilleur. Quoi? On a à peine fini de manger. Hein? Faut y aller, après, il sera trop tard. Oh, la flemme. On est pas bien, là? Posé. Ah ouais, c'est sûr que t'avais pas la flemme tout à l'heure, avec ton concours de pêche, là. Non, mais tu veux vraiment monter là-haut? Parce que bof, hein. On n'est pas obligé. On peut rentrer, aussi. Ouais, peut-être pas... Je veux dire, il fallait me prévenir avant de partir. Parce que là, j'ai pas du tout pris les bonnes gueulasses qu'il faut. J'avoue. Vous m'avez pris pour un alpiniste ou quoi? T'inquiète, je te prends pour rien du tout. Allez, désolé pour ce matin. Mais le pauvre, il sait pas pêcher, y a personne pour lui apprendre. Non mais franchement, on est obligé de l'emmener. Mais c'est lui qui m'a demandé. C'est pas du tout comme ça que j'imaginais le week-end. Je suis sûr qu'on va se marrer. Tu vas voir, il peut être vraiment marrant comme mec. Et championne, prépare-toi, on va grimper. Alors c'est un extrait de montagne. Oui. On est presque au début de montagne. Et c'est ça quand t'expliques que tu... la caractérisation des personnages est là quelque part. C'est-à-dire que même sans savoir, etc., on comprend qu'ils avaient prévu un week-end, puis finalement il y a quelqu'un qui sera... Enfin, oui. On comprend de suite les liens. Ça, comment tu travailles ça? Tu connais tes personnages par cœur avant? Comment ça se passe? Alors, la fabrication de montagne et la conception est un peu spéciale parce que c'est tiré sur un certain nombre d'années. Et le scénario, en fait, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Et les dialogues non plus. Donc, c'est quasiment du premier jet. Parce que je voulais garder un peu cette fraîcheur de la première idée. Donc, ça, c'est ses qualités comme ses défauts. Mais c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, les personnages, pour moi, je sais très bien qui ils sont. Et comment ils agissent et comment ils vont interagir entre eux. Mais ouais, j'ai écrit d'un jet et j'ai pas... Je suis pas allée gratter plus que ça, j'aurais pu écrire... On peut toujours écrire 1000 histoires à partir de 3 personnages. Antoine? Mais en fait, c'est amusant parce que... Enfin, c'est amusant que... Je savais pas ça sur l'écriture du film, mais en plus, t'as un rapport à l'écriture qui est quand même... t'écris aussi pour d'autres. Du coup, je me posais la question justement... Quel rapport t'entretiens à l'écriture? Est-ce que c'est ça qui démarre les films à chaque fois ou pas forcément? Alors pour Montagne, c'était clairement, c'était les images vraiment visuelles, purement que de scénario. Et c'est pour ça que je l'ai écrit assez vite, une trame. Pour Doppelganger, c'est totalement différent parce que, à l'inverse, là, on écrit, on tricote, parce que tout est possible, en fait, quand on a autant de personnages et autant de minutes, on va dire, de narration. Et c'est un vrai plaisir, des fois c'est une prise de tête, mais c'est un vrai plaisir d'écriture. Donc je pense que chaque projet est différent. Et sur les précédents, ça venait... c'est, dans l'esprit d'équipe, il y a aussi un gros travail de dialogue. C'est que du premier jet. C'est que du premier jet. Ouais, quasiment. Ouais. Ouais, les dialogues, souvent, c'est... Tu te fais confiance ? C'est-à-dire que c'est toi ta première spectatrice. Je devrais peut-être pas me faire confiance, mais... Non, non, c'est au contraire. Ouais, non, en fait, je me dis des fois, la première prise est la bonne et go, hein, mais bon, il y a des dialogues qui sont ajustés, bien sûr, parce qu'après, on les oralise et on se rend compte que ça passe pas du tout. Mais pourquoi est-ce que je penserais pendant 3 mois à une ligne de dialogue ? Elle sera pas forcément meilleure dans 3 mois que maintenant, donc... Mais quelque part, c'est important parce que pour les gens qui ne connaissent pas Dans le cinéma, qui vont le découvrir, justement, c'est peut-être ça aussi. Et c'est ce qui fait, à mon avis, en tout cas, du bien. Et je sais que ça pourrait être des fois mal pris, c'est la fragilité de tes films. C'est justement le fait que d'un seul coup, on se dise oh là, elle se casse la gueule. Ah ben non, finalement, elle se rattrape. Ah ben finalement, elle part là-dessus. Et que finalement, justement, dans un cinéma d'animation qui devient de plus en plus parfait, où chaque image est tirée, enfin, on peut faire ce qu'on veut, justement, les dialogues vont être écrits 150 fois pour être sûr de toi. Il y a, justement, ce que je vais appeler, moi, qui est un mot que j'aime beaucoup, mais une imperfection, justement, qui a quelque chose de fort. Ouais, j'espère cultiver un peu ça, parce que de faire les choses dans un élan, plutôt que dans une macération de dossiers, etc. Mais c'est hyper dur en animation, parce qu'on nous demande tout le temps de tout retravailler à quasi l'infini, en fait, alors que des fois on peut pas faire comme le live, prendre une caméra et se dire allez, on va dans la rue, on tourne. Ça, c'est pas possible, alors que ce serait, je crois, le rêve de tout réel même d'animation. Tu l'as fait ? Enfin, est-ce que tu t'y es essayé ? Ben, moi j'aurais trop adoré tourner en live, puis faire le film d'animation à partir des rushs. Mais ouais, j'avais pas d'argent. Non, mais alors quand je te posais la question de tu l'as fait ou tu aurais envie de le faire, c'est même pour un, enfin, à l'avenir ou est-ce que sans parler d'animation. Oui. Oui, ça pourrait être une idée, ouais. Mais en restant dans l'animation, j'aimerais bien faire comme Gabriel Harel avant qu'il fasse ses films. Lui, il fait un tournage live assez conséquent. Avec la prise de son en direct, et enfin, avant même qu'il fasse ça, moi c'était un peu mon modèle. Je rêve de faire ça, c'est pour ça que mon film à la poudrière, c'est que de la prise de photos et de voix perchées comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, pardon, mais Élodie Baudet l'a fait aussi pour Malban, par exemple, etc. Ce qui est intéressant, c'est que finalement ça apporte ce qu'on a du mal, encore une fois, je vous dis, vous n'êtes pas acteur et actrice souvent, et ça apporte pas, finalement, vous créez quelque chose et les acteurs et actrices vous renvoient finalement autre chose, donc c'est une matière en plus, quoi. Ça va être passionnant, ouais. Ce serait bien. Ça, c'est une question uniquement, on va dire, on va être clair, de budget, quoi. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup, c'est qu'un prod te dise ou une prod te dise, ok, on va mettre tant. Sauf si on arrive à fédérer plein de bénévoles et de gens sur un temps très court. Si on prépare tout et qu'on leur dit, ok, c'est un tournage en 3 jours. Je pense qu'il y a plein de gens qui le font en amateur et en professionnel sur un week-end, mais... Moi, je me sens pas les épaules de demander les gens, de demander aux gens d'être disponibles gratuitement et de se donner à 100% sur un projet à moi. Même si sur Montagne, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai des amis qui ont travaillé, on va dire gratuitement, et sans eux, j'aurais pas pu finir le film. Mais je suis pas exigeante dans mes demandes, en fait, envers eux. Mais est-ce que c'est pas une obligation quand on fait un cinéma qui est un peu à part, graphiquement, visuellement, dans un cinéma qui est, je vais pas dire pas facile, mais justement, j'ai vu l'expo de Kounir, juste comme ça, des choses qui sont, c'est pas art brut, mais un peu plus, t'as quelque chose d'un peu plus art brut, c'est un grand terme, hein, d'un peu terme large. Est-ce qu'il n'y a pas une obligation, malheureusement, de passer par là? Parce qu'aujourd'hui, les prods, encore une fois, vont plutôt aller vers des choses directement claquantes et clinquantes. Bah, on peut pas leur en vouloir aux prods parce que eux ils ont pas envie de s'embêter des années dans quelque chose qui va être stérile, donc je les comprends, mais c'est dommage. Et est-ce que est-ce qu'on peut juste... Oui, moi, j'ai pas envie de me dire, pour faire les films qu'on veut, il faut qu'on les fasse gratuitement. Je pense qu'on n'est pas confortable. Il y a des gens qui peuvent très bien créer dans le dénuement et dans une situation un peu... pas torturée, mais... dans une situation inconfortable, alors que moi, je me sens mieux d'être confortable pour créer. Après, ça, juste, c'est peut-être une chose, ça peut être un premier pas, encore une fois, hein, on parle de principe continu. Lynch, quand il fait Eraserhead, forcément d'argent. Cassavetes, quand il fait ses premiers films, ils travaillent à côté et ils font. Et ensuite, ils sont reconnus. Et à partir de ce moment-là, ils ont un peu plus de budget. C'est que des fois, cinéma guérilla, il est peut-être obligatoire au début pour imposer finalement un style et une patte. Pardon, j'avais juste interrompu, c'est pour les auditeurs, c'est juste, est-ce que tu peux expliquer comment ça s'est passé pour la production de Montagne, parce que c'est un peu particulier quand même. Alors le tout début, enfin la première idée, c'était pas longtemps après cette émission, il y a 10 ans, où j'étais aux Arts Déco et que comme je m'ennuie un peu, je me suis dit je vais faire un film. un petit film de 2-3 minutes. Et donc j'avais commencé un peu de faire de l'anime et tout, et écrire un scénario assez simple. Et finalement, je suis allée à la Poudrière. Donc j'ai mis ce film de côté, et je me suis dit, ce film, en fait, il sera trop long pour être fait à la Poudrière. Je pourrais pas le faire en 8 minutes, je pourrais pas le faire en 3 minutes. Donc je le mets de côté. C'est pour ça qu'il s'est un peu distillé dans Marécage, mon film de première année. Et puis ensuite, je suis sortie de la Poudrière et j'ai mis 2 ans. Mon premier job en anime, c'était 2 ans plus tard. Parce que j'ai décidé de bosser sur Montagne et sur Doppelganger en parallèle. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu des aides du CNC. Donc ça m'a confortée pour continuer. Et j'ai eu des jobs. Qui étaient des aides. T'as eu de l'aide à l'écriture. Une aide au concept. Au concept. Montagne, j'ai eu l'aide au concept. Et ensuite, je me suis lancée aussi dans le monde de l'animation en tant que professionnelle. En tant qu'animatrice. Et Montagne était toujours avec moi, donc je l'ai proposé à des prods, je l'ai pitché, et en fait, personne n'en voulait. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? C'était parce que tu avais déjà cette envie de faire un film long, 17 minutes? Non, ça restait 12 minutes, 10 minutes. C'était plutôt. Je pense que c'est l'image qui faisait un peu peur. Le scénario qui n'était pas béton, c'était un peu flottant. Je pense, et on m'a un peu découragée de me dire ne commence pas. Sauf que moi, au bout d'un moment, j'avais envie de commencer, donc j'ai commencé toute seule à faire de l'animation, à faire la colorisation, parce que j'ai la bonne idée de faire une colo à la gouache sur chaque feuillet d'anime. Et donc ça a duré très très longtemps, jusqu'en novembre 2018, où j'ai rejoint les locaux de Novanima. Parce que Marc Fay, le producteur, s'est engagé à m'aider à finir le film en tant que producteur. Et donc, on a réussi à avoir 2 aides. En tout, ça faisait 45 000 euros. Et donc, moi, je pensais qu'il me restait 3 mois pour finir le film. En fait, il me restait plus d'un an. T'en étais où au moment où il arrive dans le film? J'en étais en pleine colo. Ouais, j'avais quasiment fini l'anime et une bonne partie de la colo était finie. Et donc les aides qu'on a eues nous ont permis de financer tout ce qui est compositing, tout ce qui est location de studio pour faire les voix, pour faire le mixage. Et en fait ça part très vite les 45 000 euros évidemment. Mais sans ça, je pense je me serais retrouvée avec mes images qui sont un peu hétéroclites parce qu'il y en a qui avaient été finies en 2016. D'autres en 2019. Donc pour que tout soit cohérent, le compositing c'était pas mal, l'étalonnage aussi. J'aurais pas pu finir, je pense. C'est l'exemple que je pose toujours, mais comment on fait pour garder l'envie quand ça s'étend sur un nombre d'années comme ça? Alors moi je pense que c'est primordial, c'est de rester fixé sur son idée de base. Et en fait, c'est le plus gros défi, à mon avis. Parce que être endurant sur une période de travail très longue, c'est possible. Mais être fidèle à son idée et pas s'essouffler, c'est ça le plus complexe, c'est de finir un film qu'on s'est projeté avec soi-même 3 ans plus tôt ou 4 ans plus tôt. Et en fait, parce qu'on évolue forcément, ne serait-ce que dans la mise en scène. Et donc moi, je me retrouvais à coloriser des scènes ben ça marche peut-être pas, mais en fait il faut que je finisse le film, et voilà. Donc et ce qui me motivait, c'est que j'adorais toujours le film, même jusqu'à la fin. Je l'aimais bien. Juste, pardon. Vas-y, Antoine, pardon. Bah, j'allais demander, même, est-ce que très concrètement, tu fais des choses pour. Parce que là, tu dis qu'une des complexités, c'est presque de recommuniquer avec ton toi d'avant. Est-ce que tu prends des notes et que tu relis plus tard, ou, est-ce Non, que, pas du non tout. Pas sur ce film-là, en tout cas. Mais je pense que n'importe quel projet, ça, c'est un conseil pour tout le monde, c'est des fois, quand on a un peu perdu, il faut retourner dans les dossiers, il faut rouvrir le premier PDF. Avec les premières notes, les premières images. Et là, on se souvient de... Ah oui, c'est ça, les intentions premières. Toujours. Enfin, moi, n'importe quel projet, il faut faire ça. Oui. Non, je t'en prie, finis. Je me fais pas spécialement de notes, mais des fois, retomber sur un vieux dossier, c'est un espèce d'épiphanie. Genre, ah mais oui, pourquoi je me pose des questions, hein? Je répète souvent les grands réals, hein, Coppola, Fellini disait qu'ils avaient toujours une phrase au moins, ou en tout cas, voilà, ce que tu dis plus ou moins, c'est d'avoir quelque chose et de revenir à cette phrase-là, ou cette intention-là, en se disant, parce qu'en effet, finalement, on peut se perdre très vite. On rencontre des gens, on change soi-même, et que finalement, je suppose que quand tu rencontres Mark Fay, ah oui, c'est bien, mais peut-être que tu pourrais faire ça comme ça, quand tu rencontres le son ou les actes, tiens, c'est bien, mais tu pourrais peut-être faire ça comme ça. Et... Ah ben, bah, alors la spécificité. Impossible à dire ce mot. La particularité de Montaigne et de sa conception, c'est que justement, moi j'ai fait un peu ma têtue, j'ai pas du tout écouté de gens ni rien du tout. C'est pour ça qu'il est comme ça, c'est qu'aussi il a un côté sortie brute, c'est que j'ai pas du tout demandé de retour de quiconque. Et que Marc, il a été super, ils m'ont proposé des choses. Et moi j'ai un peu ajusté ce que je considérais comme... Oui, là, ils ont raison, il faut vraiment que je change, mais sinon, c'était carte blanche. Juste la seule chose, en fait, finalement, de ton cinéma, ça serait de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour le faire en un an, en 6 mois. C'est-à-dire de faire quelque chose de super rapide et vite de passer à un autre, et d'avoir à côté de ça des projets comme Doppelganger, on va en reparler, où là, tu vas prendre du temps... Mais ça, c'est le rêve de tout le monde, d'avoir de l'argent pour faire des films tous les ans. Pas forcément, il y a des gens qui ont besoin... Norstein, je suis persuadé qu'il est très content de pouvoir faire des films même tous les 15 ans, où il y a des gens qui ont besoin de ce temps-là, ouais. Finalement. Moi, en tout cas, j'aimerais bien la solution que tu proposes, parce que pour moi, c'est un espèce de stress... pas un stress, mais de savoir que je pourrais pas faire autant de films dans ma vie que ce que j'imagine. Les années avancent et... Ah ! Mais peut-être une fois j'ai rêvé que j'avais 50 ans et que j'avais pas fait de films d'autres que Montaigne et j'étais... Ah ! Mais c'est horrible. Et pourquoi pas faire des livres, de la musique ? Est-ce que t'as envie de faire d'autres choses pour expulser justement cette envie créative ? Ah non, là, c'est moi, je parle spécialement de films. Tu veux rester là-dedans. C'est-à-dire que tu peux aimer la littérature, c'est important pour toi la musique, mais... Toi, tu veux faire des films, c'est ça? Tu veux rester dans cette idée-là? Eh bien, je fais pas de musique. Ah, c'est dur. Hein. Non, je me dis, quand je serai à la retraite, je ferai un instrument, je jouerai d'un instrument. Mais il y a des grands groupes, les Shonen F, groupes japonais, elles savaient pas jouer. Elles se sont mises à jouer, puis voilà, quoi, dans les années 70, 80, enfin 70 notamment, il y a eu pas mal de groupes un peu barrés comme ça. Moi, je vais rester au cinéma. Ce que je propose, Antoine, c'est de faire une pause, à moins que tu avais une question. Moi, j'avais juste une toute dernière question sur justement la production de Montaigne. C'est il y a quelque chose un peu de quand on le présente comme ça, d'idéal dans le sens, enfin d'expérience idéale, c'est-à-dire d'aller au bout de cette radicalité et tout. Et est-ce qu'il y a il y a quand même des leçons que tu tires, enfin on en reparlera peut-être aussi avec Titouan quand il viendra, mais je sais que lui il a pour avoir aussi un peu produit son film en grande partie tout seul à un moment, il y a des choses qui ne referaient plus pareil, ou est-ce que toi c'est une expérience que tu es prête à renouveler comme ça à nouveau si besoin, parce que il faut faire le film, ou tu changerais des choses? Je pense que je changerais forcément quelques petits trucs, mais des choses techniques, ouais plutôt, parce que techniquement je suis plus carré maintenant sur plein de choses, mais sinon pas dans le processus créatif. Le processus me plaît, ouais. Et ben, on va laisser la parole, Louise. Tu nous as proposé un morceau. Oui. Leto, vas-y, tu présentes un peu. Le morceau, il s'appelle Dereva. C'est l'arbre en russe. Et celui qu'on va entendre, il est issu de la bande originale de Leto. Ok. Le film Leto en français. Donc moi je suis pas spécialement... C'est dans le film, c'est une reprise d'un morceau de 1982 de Kino. Et moi, je ne suis pas spécialement fan de ce groupe russe. J'ai choisi ce morceau parce que il est très mélancolique et il correspond un peu à mon humeur souvent. Alors, je n'ai pas revu le film depuis sa sortie en salle. Je l'ai toujours chez moi en attente d'être revu. Je peux parler juste un peu du film rapidement. C'est un film de 2018. J'ai une petite note, j'ai peur de d'écorcher. Kirill Serebrennikov. Et il y a plein de choses que j'aimais pas dans le film, en fait, qui m'ont pas forcément plu. Et tout au long de la séance, je me disais, mais où on va? Ça me plaît pas trop. Et les 20 dernières minutes, je sais même pas ce qui se passe dans les 20 dernières minutes, mais je me souviens d'être prise d'avoir compris, en fait, le sentiment qu'il voulait nous faire ressentir dans tout le film. Et c'est synthétisé par ce morceau qu'on va entendre, qui apparaît dans la scène finale. Donc voilà, je vous laisse écouter Direva. On écoute Nicolas. Я знаю, мое дерево не проживет ты недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево скоро оставит меня. Но пока оно есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Я посадил дерево. Алексей m'a embrouillé en parlant dans la pause. Comme si on ne parlait pas pendant les pauses d'habitude. En me disant ce que je devais dire. Ça, c'était pire. Juste à la fin, juste au moment où tu reprenais la parole. C'est un très bon morceau. Non, je voulais parler un tout petit peu de ta mise en scène, parce que en revoyant les films pour l'émission, y a quelque chose qui m'a un peu saisi. C'est dans tous tes films d'école, il y a avec cet aspect fantastique, il y a aussi le fait d'avoir une caméra qui bouge beaucoup et souvent qui suit les personnages. Mais alors, je trouve ça très intéressant, parce que dans les premiers films, du coup, il y a presque l'idée que le spectateur est un personnage avec les autres et vit l'expérience avec. Et dans Montagne, il y a un choix de plan très fixe, oui. Et qui du coup donne une impression complètement inverse, presque de d'assister à ça, et aussi d'être confronté au fait que il y a plein de choses qu'on va pas comprendre dans le film. Enfin voilà, du coup je voulais savoir comment tu avais opéré ces choix, si c'était conscient ou pas. Pour les films d'études, non, c'était pas conscient. J'aime bien cette idée de de caméra qui est un personnage à part entière. Pour Montagne, je m'étais, au moment du storyboard, parce que j'ai, par exemple, j'ai des pas mal de problèmes de dessin, de perspective et tout. Je me suis dit, il faut que j'imagine la caméra comme si elle était, comme si c'était une caméra des années 10 qui ne doit pas bouger et qui est très lourde, et quand, parce que sinon on peut très vite multiplier les axes, les angles et surdécouper les cadrages, enfin le montage. Bon, bref. Je me suis dit, je vais poser ma caméra vraiment et elle va rester. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette idée de, ouais, un peu lourde. Et c'est très drôle que tu dises je vais poser ma caméra et qu'elle soit lourde, parce que c'est aussi l'impression que j'ai eue moi, et même sur les premiers films, c'est qu'il y a un côté d'envisager la mise en scène presque justement comme si c'était de la prise de vue continue, enfin que c'est que par moment on a l'impression que tu l'imagines comme un film en prise de vue continue, et puis qu'après bah, en fait, bon, avec l'animation faut s'y mettre au service. Excuse-moi Antoine, mais tu fais juste du cinéma. Oui. Pardon, oui, mais je sais pas si c'est ce que tu veux dire, hein, Antoine, pardon, mais c'est juste, c'est vrai qu'il y a cette idée justement de se dire, mais en tout cas de pas se limiter, je fais un cinéma, voilà, c'est ça, et je, c'est ce que j'essaye de faire déjà au storyboard. Après moi j'ai, ouais, je suis, comme je disais, je suis pas très forte en composition d'image, il me faudrait l'assistance d'un ou d'une cadreuse pour vraiment mais oui moi je, pour ces films là en tout cas, oui je pense en cinéma plus qu'en animation, je sais pas si ça peut se... Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis... mais je comprends, hein, parce que je, ouais, pense qu'on est aussi amené à ça. Quand tu dis, par exemple, je suis pas bonne... Je pense que justement, je pense que ton cinéma... Alors, encore une fois, c'est plus une question, mais justement, une force, parce que il est différent. Alors, différent, enfin, je sais pas si le mot est beau, mais il fonctionne différemment, voilà, que d'autres cinémas. Et justement, que la perspective... Enfin, on a, heureusement, il y a plein de peintres, à un moment donné, qu'on dit, on s'en fout de la perspective. Il y a plein de peintres qu'on dit, on s'en fout de faire... Enfin, on va mettre plein de couleurs. Si j'en parle, c'est que des fois, je le ressens comme subi, plutôt que volontaire. D'accord. Donc, des fois, j'aimerais aller faire quelque chose de plus réaliste, par exemple. Mais des animateurs, animatrices, en fait, tu pourrais quasiment, là, vraiment être réel. Alors, en plus de plus, c'est d'avoir réel, animateur, animatrice, dire, je sais pas, à la Takahata, et dire, tiens, je vais choisir ton style graphique. Ah, on va faire ça, ouais, comme, ouais, ça. Ouais, ouais, moi, j'aimerais bien, ouais. Et ça veut dire que, enfin, t'as un plaisir d'animation ou pas du tout? Moi, j'adore l'anime, ouais. Même, ouais. Ouais, ouais. Mais je suis assez détachée sur tous les postes. Pour Montagne, j'ai quasiment tout fait. Donc bien sûr il y avait des aides sur certains moments, mais c'était pas volontaire, fallait juste que quelqu'un le fasse. Et par exemple l'animation, elle est torchée, il y a pas d'autre mot. Allez hop, plan suivant, parce que j'étais pas du tout exigeante sur l'acting, sur l'animation. Moi mon but c'était de faire le film, donc si on comprenait le mouvement, ben j'étais contente et au prochain. Bien sûr si j'avais eu des personnes beaucoup plus de temps et d'argent, j'aurais... Alors peut-être que ça aurait perdu, en fait, aussi la force du film. Mmh. Donc, je sais pas trop... si un jour j'ai un gros budget et que je me retrouve dans cette situation, ben on verra bien ce que ça donne. Mais justement, là, pour Doppelganger, tu as fait appel à Morgane Lepechon pour t'aider au design. Oui, ouais. Parce que, bah, par exemple, Doppelganger, je savais que c'était un truc plus gros que moi. Et donc, il fallait que je sois, que je trouve un co-scénariste, une co-auteur graphique. Et parce que ça me fait plaisir de déléguer des tâches quand je sais que les gens sont mille fois meilleurs que moi pour ce poste. Donc, aucun problème, toi, t'es mieux. J'ai pas. Et comment tu diriges? Parce que malgré que ça soit Morgane et qu'on reconnaisse quand même un petit peu de son graphisme, il reste dans les images qu'on a vues pour l'instant de Doppelganger. Donc si vous voulez le voir, le teaser, il est sur le Vimeo d'Amopix, si je ne dis pas de bêtises. Et y a, non, pardon, Amopix, c'est A-M-O-P-I-X. Amopix, pas d'Amopix. Ouais. Voilà. Malgré qu'il y ait son style graphique, on sent quand même... Vous n'êtes pas si éloigné, ouais, que ça, de toute façon. Enfin, c'est du pur Morgane aussi. Hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est hyper mélangé, nos deux styles, pour ce projet. Ouais. Mais la question, c'était, ouais, comment tu... Est-ce que tu diriges, justement, ou est-ce que tu fais complètement confiance? Non, je fais complètement confiance. Non, mais j'ai l'impression que tu pourrais avoir... J'ai l'impression qu'il y a plein d'envies et que tu pourrais avoir, en fait, plein de projets complètement différents. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu pourrais avoir un Doppelganger qui te suit, tu pourrais être, je sais pas, moi... ce genre de réa, enfin d'avoir, dire, bah tiens, Doppelganger, bah finalement c'est toi qui fais ça, puis de faire un petit film toi dans ton coin, ouais, pour le plaisir. Ah, moi mon rêve ce serait d'être showrunner, Ouais. Ça veut dire de poser les bases et d'être un peu le... Ok, je suis le pilier et on se réfère à tout, mais limite, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre à la réal. Bon, je serais un peu triste, mais... Oui, mais tu ferais un autre truc à côté, c'est ça? Oui, ouais. Enfin, ce serait bien sur ce projet. Et par exemple, là, je suis en train de préparer un nouveau court-métrage. Et clairement, les images, j'ai presque rien parce qu'il faut que je... Il faut que je collabore avec quelqu'un. Est-ce que d'avoir fait Montagne, quand même, malgré tout, 17 minutes, qui place un univers, qui est autre chose, où d'un seul coup on retrouve en effet marécage, est-ce que ton prochain cours sera dans la même idée? Et est-ce que d'un seul coup les prods se disent, ok, on n'était pas sûr sur Montagne, mais que là, il y a quand même quelque chose qui est en train de naître, on va dire, et on te fait confiance? Je pense pas, parce que le film sera totalement différent graphiquement et dans la narration, ce qui fait qu'ils n'auront rien à s'accrocher. Encore une fois, ça va être un dossier où les gens vont se dire « Mais qu'est-ce qu'elle veut raconter ?» Enfin, malheureusement, ça ne va pas être une continuité. C'est rigolo, pardon, mais dans ton discours, c'est intéressant parce qu'en fait, tu ne calcules pas du tout que tu fais les choses comme tu as envie de les faire. Tu regrettes quand même de ne pas avoir de l'argent, de ne pas avoir, mais que tu te dis « Non, tant pis, ce n'est pas grave. » Il y a quand même un choix qui est de dire « Je préfère ma liberté, même si elle est difficile. » Et je le comprends, hein, que t'aimerais bien qu'on te donne plein d'argent pour Doppelganger, mais surtout, de toute façon, tu veux continuer à le faire comme t'as envie de le faire. C'est-à-dire que c'est d'un seul coup, on te dit, ben, on va te changer tout, ton histoire nous intéresse, mais on va prendre un graphisme. Ben, Doppelganger, c'est un cas spécifique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont engagés déjà dessus et qu'il y a plein de partenaires et qu'en en fait, on aimerait bien que le projet aboutisse. Et donc, c'est à moi de choisir mon curseur de qu'est-ce que je... lâche, en fait, à quel moment je donne du lest, ce qui est hyper dur, en fait. Est-ce que je vais travestir le projet ou pas pour... Bon, ça, c'est des choix vraiment personnels qu'il va falloir mettre en jeu. Et par exemple, cet autre projet, ben, je suis en train de réfléchir à... Déjà, à la conception, prend en compte l'idée de le faire peut-être avec zéro argent. Donc déjà, comment trouver des moyens de mise en scène, de narration qui serait utile si jamais j'ai pas d'argent pour le faire. Et est-ce que c'est aussi, tu disais justement des changements techniques par rapport à Montagne, est-ce que c'est aussi pour que justement ça dure moins longtemps que Montagne ou... Oui, que ce soit un peu plus rapide à faire. Ouais. Et quand tu parles de liberté, ben moi, on parlait de Cannes avant l'émission. Ben en fait, moi, je suis désolée, j'ai pas envie de faire un film, c'est horrible de dire ça, mais j'ai pas envie qu'on me dise « fais moins de 14 minutes ». Fait un film de moins de 15 minutes parce qu'en fait c'est parce que c'est Cannes qui n'accepte que les films en dessous de 15 minutes. Bah oui, mais Et de plus de 8 minutes. En fait c'est pour ça qu'on se retrouve que avec des films d'animation de 13-14 minutes au bout d'un moment. En fait, quelqu'un va faire un film super en 6 minutes, quelqu'un d'autre, ben désolé, il a besoin de 27 minutes. Titouan, il fait 36 minutes parce qu'il a besoin de ce temps de narration. Mais donc on est d'accord quand même, parce qu'on revient un peu là-dessus, et c'est ce qui est intéressant en effet quand on a dit qu'on allait de nouveau te recevoir. C'est intéressant, c'est qu'il y a quand même cette volonté, et c'est vrai que c'est rigolo parce que t'es un Evanima, il y a Florentine Grelier aussi, et Florentine, je sais, a beaucoup ce discours de se dire, voilà, j'essaie de faire un film avec de l'argent, mais je veux faire un film, enfin j'ai besoin de faire aussi des films, alors c'est pas une question de sans argent, mais où j'ai une totale liberté, où je sais que je vais pas devoir écrire un dossier et que le CNC ou la région ou autre, et heureusement qu'ils sont là encore une fois, on se plaint pas de ça, mais de se dire... Là, on ne comprend pas ce personnage-là. Peut-être que ton personnage est là, à un moment donné, le personnage dans Montagne, on se dit c'est une fille, un garçon. Enfin, voilà, on ne sait pas trop et on abandonne au bout d'un moment. Enfin, on ne cherche pas à savoir forcément le genre ou quelque chose comme ça. On parle là-dedans et tu vas mélanger tout. Est-ce que, encore une fois, j'ai l'impression que pour toi, cette liberté, elle est quand même fondamentale. C'est-à-dire que... Bah, en fait, je ne conçois pas les choses autrement. Enfin... C'est peut-être pour ça que je ne devrais pas dire ça tout de suite. Je vais avoir du mal à trouver d'autres producteurs. Mais ouais, après, je comprends par exemple un projet qui est destiné à être diffusé en plateforme ou qui est vraiment dans des... Par exemple, la série. Donc, on a vraiment des formats assez spécifiques. Bon, c'est presque un jeu de scénario de tout faire placer, de tout placer dans le format. Mais le court-métrage, on va à Clermont-Ferrand. Les gens, on voit que... Dans le court-métrage live, on ne se pose pas la question à l'étranger. Les films d'animation étrangers, ils ne se posent pas la question non plus de est-ce que je vais faire 14 minutes ou pas. Donc, moi, je ne conçois pas cette idée de se brider tout de suite Alors que c'est hyper dur de faire un film, pourquoi se prendre la tête à ce point? Oui, mais mon animatique, elle est un peu trop longue. Bah oui, mais... Oui, c'est, des fois, c'est bien plus court, mais peut-être que si elle est plus longue, c'est parce que t'as envie d'avoir ces scènes-là. Et moi, Montagne, il est très long, parce qu'il y a des scènes très flottantes. Et en même temps, c'est les scènes qui me font le plus plaisir, parce que c'est... Elles surprennent le spectateur, parce qu'elles sont pas... Elles sont pas calibrées. Antoine ? Est-ce que de ça, t'en discutes avec d'autres réals ? Ou pas du tout Pas trop, non. Non. Non. Non, je ne discute pas trop. Non, non, mais je me demandais, parce qu'effectivement, enfin, on a déjà eu plusieurs fois la discussion dans l'émission, le fait que le court-métrage en France soit quand même relativement bien financé, effectivement, ça a une tendance à pousser les auteurs justement au retravail permanent. On a le Faya, une commission réécriture. Donc, enfin, voilà, ça dit aussi. Entre réal et on se plaint tout le temps de ça. Enfin, tout le monde se plaint de devoir faire des milliards de dossiers. Mais après, je vais pas dire aux gens tu devrais faire ton film, tu devrais le faire plus long. Non, non, c'est pas ça. Mais chacun fait comme il peut avec son projet. Hein. C'est plus du fait de ton expérience, tu vois, aussi, d'arriver justement à échanger avec des gens en disant, bah. Juste en disant, c'est possible en fait, il y a des solutions, j'ai une expérience qui montre que c'est possible. Voilà, c'était... J'en parle maintenant. Non mais, c'est intéressant, c'est un point de vue, et on ne sait pas si la crise, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Évidemment, les gens d'animation ont l'air d'être tranquilles et de se dire, maintenant tout va continuer très bien. Mais je trouvais intéressant, quelqu'un qui est souvent venu ici, qui est Gilles Cuvelier par exemple, et je sais qu'il a souvent cette réflexion de se dire, ben voilà, j'ai fait mon film là, je vais faire un film de 20 minutes, je vais essayer de le faire à moins de 100 000 euros, 80 000 euros, tout en payant très bien les gens, mais en ayant un truc. Alors bon, après, c'est comme toi, il fait beaucoup de choses aussi seul par rapport à ça, mais est-ce que c'est pas une réflexion importante? Et quand moi je vois, alors moi en tant que spectateur ou en tant que là sélectionneur, quand je vois, c'est vrai que ce qui vient d'indépendant, des fois des États-Unis, du Japon, alors même si de temps en temps ils viennent ici, je trouve qu'il y a une plus grande liberté, il y a une plus grande folie qui nous vient maintenant de l'extérieur que de nous en France, alors que pourtant c'était important à un moment donné. Et que finalement, je trouve ça intéressant même de se dire, ok, j'ai que 45 000 ou je vais avoir 60 000 euros pour faire 17 minutes. Comment, mais je veux le faire comme j'ai envie de le faire, comment je trouve les moyens. Et ça serait intéressant, donc, en effet, peut-être qu'il y ait des... Ah ben, je pense qu'à 50 000, on peut faire plein de films, mais faut avoir de l'aide et être soi-même un peu convaincu, avoir la foi. Hein. Et puis aussi, moi, j'étais dans une position confortable. Je suis intermittente et donc j'avais réussi à avoir mes heures. Donc j'étais tranquille. Je n'avais pas ce coup près de devoir finir mes fins de mois. Donc c'était... Il y a ça aussi, c'est un facteur important. En fait, la liberté, elle s'achète un peu aussi. Donc... Oui, mais après, il y a la peur quand même de ne pas faire ses heures pour l'année d'après. Parce que c'est ce qui bloque souvent beaucoup de gens, c'est finalement de se dire, je vais faire mes heures et je ne fais pas mon propre cours. J'avais mes heures et j'ai demandé à Marc de Novanima, merci de t'engager sur le film, moi j'aimerais faire mes heures pour l'année prochaine. Et donc, c'était le deal en fait, j'ai été payée sur le film en faisant mes heures. Ouais, d'accord. Juste pour être tranquille après. Juste ce qu'il faut aussi. Pour être tranquille, ouais. C'est bon. Est-ce qu'on on peut parler quand même, parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui est important dans ton cinéma. T'en as parlé un petit peu, c'est l'importance de la nature. C'est important. Dans Indians, on est déjà dans une forêt, dans Montagne, on est dans une montagne. Dans l'esprit d'équipe, on est dans une prairie. Enfin, on est souvent dans la nature. C'est qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que toi, tu viens de la nature, c'est important, de la campagne. Je viens de la nature. Oui, j'ai grandi à la campagne, mais Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir que tu pourrais mettre ça facilement dans une ville ou quelque chose. Et en plus, quand je dis attention, c'est à la campagne, c'est dans la nature. C'est pas juste c'est dans la nature. La nature a une force. Enfin, dans Indians, tes personnages, enfin tes arbres sont aussi importants. Et puis, tu as dit tout à l'heure, il prenait feu. On vous dira pas forcément, mais ses mains sont aussi organiques à un moment donné. Montagne, encore une fois, et en plus avec des couleurs à la fois réalistes et complètement délirantes, enfin, etc. Donc, je sais pas, ce rapport à la nature, tu nous. En fait, c'est pas du tout réfléchi. C'est ça me vient comme ça. Je me suis pas dit, tiens, encore un film en pleine nature. non, c'est. C'est ce qui m'inspire le plus, je pense. C'est rigolo. Je ne suis pas inspirée spécialement par des buildings. Enfin, il y a des gens où c'est le cas. Moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. On va entendre là Martha Payet, qui, à un moment donné, Marie-Pauline Mollaret lui dit, donc j'aime beaucoup notamment, alors je sais pas, on n'aura pas le temps d'entendre, je pense, j'aime beaucoup vos personnages féminins. Est-ce que c'est voulu, pas voulu? et elle répond à chaque fois, et on sent qu'elle répond, elle dit oui, mais bon, voilà, etc. Et on sent qu'elle veut laisser une espèce de mystère, et même quand on lui dit, ben, peut-être que le film veut dire ça, veut dire ça, ben, c'est à vous. Moi, une fois que j'ai fait le film, maintenant, le plus beau moment, c'est quand les spectateurs et spectatrices regardent le film, et après, moi, je suis content quand on me dit juste, ah ben moi, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à ça. Mais qu'elle n'a pas envie d'expliquer, qu'il y a quelque chose de très instinctif, donc qui est très difficile en animation. J'ai l'impression que toi, c'est un peu la même chose. Il y a un côté instinctif dans ton travail, dans comment tu travailles. Bah oui, parce que des fois, vous me posez des questions. En fait, je me rends compte que c'est des choses auxquelles j'ai jamais pensé. Donc, je pense que on peut avoir du recul sur son travail et ensuite se dire ah oui, c'est récurrent ces questions, mais. Bon, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ah non, mais c'est. En tout cas, c'est instinctif et il n'y a pas de. Ouais. Nous-mêmes, on n'a pas les clés des fois de notre propre travail. Et parce qu'il y a aussi, c'est un truc que tu, enfin, je sais pas à quel point c'est conscient encore une fois, mais il y a l'idée de laisser pas mal de place au spectateur dans tes films, c'est-à-dire de pas expliciter tout. Dans Montagne, on comprendra concrètement ce qui leur est arrivé. Bah, je pars du principe que le spectateur n'est pas idiot, et donc on n'a pas besoin de tout le temps le prendre par la main et de tout lui expliquer, et que s'il a compris autre chose. Des fois, je fais « Ah, pas mal cette explication, c'est vrai que c'est plutôt intelligent. Enfin, » Et en plus, c'est une œuvre, donc elle est reçue. Donc il y a autant de façons de recevoir le propos, l'œuvre, que de personnes, de spectateurs. Mais c'est d'autant plus important, et je pense que c'est pour ça qu'on voulait t'avoir, qu'on voudrait avoir du temps, c'est que je pense qu'il ne faut pas perdre aussi, et c'est très intéressant, et moi, on aime beaucoup aussi les gens qui réfléchissent beaucoup à leurs films et qui se posent plein de questions, mais peut-être, et c'est ça le problème, c'était aussi ça qu'on voulait par rapport au dossier, c'est que des fois, vous faire trop réécrire, réfléchir, faire des choses, finalement, vous perdez un peu de ça, et je trouve qu'on revient à ce que tu disais au début, c'est-à-dire que finalement, ben, revenir sur sa première version et de se dire, ben, allez, maintenant, en fait, c'était ça vraiment que je voulais dire, et... Après, on pense pas que à soi, égoïstement, ça veut dire que moi, même si je me lance dans mes projets de To Go, enfin, mes spectateurs, j'y pense aussi. Enfin, je vais pas faire des films. Je réfléchis beaucoup à faire des choses pas trop hermétiques parce que j'ai pas envie de perdre l'intérêt. En fait. Et comment t'arbitres ça ? Enfin, est-ce que tu montres le film parfois ? Jamais. Non. Oups. Non, pour Montagne, non. C'était vraiment dans mon coin, un peu comme une. Une bête. Non mais, pardon, excuse-moi, j'insiste, peut-être ça va être un peu. Ça peut agacer. Mais parce que je pense à un moment, parce que là, je suis en discussion avec une réalisatrice iranienne dont j'ai pas pris le film au piaf et qui me disait j'ai réduit le film, alors que moi j'aurais voulu que le film soit un peu plus long parce que c'est un film assez poétique. Elle dit ah, mais moi on m'a dit tu vas perdre trop de gens dans le truc, donc j'ai réduit le film de 3-4 minutes alors qu'elle voulait que ça soit plus long parce qu'elle avait besoin de ce temps-là, sauf que c'est un rocher qui parle avec un petit oiseau, etc. Et quand oh là là, les gens vont s'ennuyer au bout d'un moment donné. Et je trouve ça important de pouvoir dire non, à un moment donné, tant pis, j'écoute pas. Puis si je me plante, ben. De toute façon, la personne qui se plante, c'est le réel ou la réelle. Un prod pourra toujours dire je lui ai dit pourtant, je vais pas faire ça, etc. C'est peut-être. Beaucoup de gens peuvent se dire ah oui, c'est tête de mule, enfin voilà, mais c'est aussi bien de se dire j'ai l'impression, je crois à ça et je vais jusqu'au bout. Bah, c'est comme tu disais, ce que tu disais au début de l'émission, il faut se faire confiance aussi en ce qu'on croit, vraiment. Merci, Loïs, c'est important. On va passer. Alors, évidemment, tu t'en doutes, Nicolas, mais bon, ça, tu connais évidemment par cœur. Et c'est pas une nouvelle année qui va nous faire changer ici à Bulle de Rêve nos bonnes habitudes. On va lancer donc le long morceau qui fait 37 minutes de Martha. Et puis, ben, je te dirais, on va, je pense, en écouter une bonne vingtaine de minutes. En plus, bon, comme c'est d'anglais, voilà, c'est dommage, vous n'entendrez pas à la fin cette belle voix d'Anna Polini, grande actrice polonaise, chanter. Mais vous allez devoir venir samedi où vous verrez Impossible Figures and Other Story 1. C'était jeudi matin avec Marie-Pauline Mollaret et moi-même. On a eu la chance d'avoir en visio, voilà, de Pologne, Martha Payek, qu'on écoute maintenant. Merci, Nicolas. Thank you. Marta, nice to have you with us today. Marie-Pauline is with us also. Hello, Marie-Pauline. With the two of us conducting the interview. My first question is, how do you feel right now, now the trilogy is finished? How is your state of mind? Hello, Alexi. Hello, Marie-Pauline. I feel relieved. That's for sure. The whole process took a long time, but it was planned in such a way that it was one project, but also the films were, each of them was a different story. So it was possible to somehow stay focused or stay fresh because of the different stories that came with the new films. But I'm happy that it all worked out, but I'm also excited to and maybe anxious to see how the three films will work together. I also haven't traveled that much with the last film personally in person, so I still hope that I get to travel a bit more with the film to see how people react and to know their maybe interpretations or thoughts. I guess we're going to talk about interpretation because your film are quite open for that. So do you have a plan already to have the three of them, I mean, in a row without credits? You have something like that in mind? I was thinking about screening the films together, but in a way that I would leave the way that they would be presented, the order that they would be presented to anyone who would want to curate such a screening or to include the films in a program, which would also be giving this choice to maybe give the last shape to the whole trilogy, a triptych, but we're also planning an installation. So so that's kind of in progress. The work is in progress, and I would like to, I think that the installation would give us a possibility to show the relations of space of the three films. Just it's interesting, and Marie-Pauline, I will let you the after that, but just it's interesting. You mean that, for example, if I want to show that in my festival, I could show the third one first, then the first one, then the second one. I could show it in the way, because when you thought about this triptych, the trilogy, you had in mind the first one, the second one, and the third one. So in your mind, it was in order, no? So not really. When I came up with the whole thing, because I wrote the three parts, I came up with the idea and for the three parts at the beginning. So it wasn't that I wrote the parts after finishing each other. So the way I see it is more like, that's why also I call it a triptych, because I see it as a kind of maybe altarpiece in a church. You have three parts and you come in and you look at wherever your eyes lead you, and that gives you a certain kind of story. So I think that I would like to give the freedom to maybe somebody who is programming or to the audience in the case of installation to create the story anew. But that's why the installation is interesting. It's because, of course, we can pick wherever we want. So we can even pick in the third one and the first, and then the third one again and second. Ouais. Tu me redonnes, bah. On est en antenne là ou pas? Oui. Et ben on parle, alors vous entendez, on est un petit peu, en fait, on sait pas trop ce qui se passe. Le média qui marchait pourtant très bien, encore il y a 4-5 heures, d'un seul coup a décidé de s'arrêter. Il a peut-être eu marre de ma voix en anglais. J'avoue que je parle beaucoup. Pourtant, je vous promets, la seconde partie, j'ai coupé toutes mes questions, j'ai gardé que les questions de Marie-Pauline. Ouais. Ça marche pas? Écoute, t'as qu'à mettre à... La deuxième question. Ouais, oh, mais c'est pas grave. Bah, on est désolé, hein, ça arrive. Tu sais quoi, on va, comme ça, on aura la fin. T'as qu'à nous mettre... je sais pas, moi, il fait 37. On va le mettre à... Mets-le à 20 minutes. 22, voir si ça marche. We have a knowledge of the whole context and of history, that this beautiful body has lost its innocence. There's a lot of actually Polish science fiction film from the 70s and 80s. You could have gone into that also, no? Maybe, but yeah, that wasn't really my where I looked. The spaces are always so important in your film. You talk about that, you know, like it's different spaces. It seems like there is also permeability of spaces. We're going from one space to another, and it's also in your directing. We can cut suddenly and be in another places. Can you explain a little bit about that? Well, that's one thing that animation easily allows for. And it's also something typical for the state of dreaming. So I guess that's always in my films, I'm kind of balancing on this verge of dream somehow. Of state where things are easily blended one into another, and you can that the space is very plastic, elastic. Marie-Pauline, how do you plan that to before the production? You know, to realize it concretely. How is it just with the storyboard or? I think it's very typical script, storyboard, and design and layout. So it's very, very typical. I always leave some room for some improvisation. In every film, there is a bit where I can. Improvise a bit. In part one, it's the beginning scene with the explosion. So it was kind of created as, you know, there was a general structure, but what would happen, the flying bits and people and objects, it was something that was improvised. So you mean everything that's in this big bang at the beginning, this big explosion, you didn't know what was in it at the beginning? I had an idea, but you know it was such a it was a difficult scene, so I just had to see how it has to be done and just. Design it as I go, and I worked on this scene with Alex Boya at the NFB, so he put the little bits in motion that I designed, and I put them into space. So always in my films there's a part which is not completely planned. It seemed that maybe that's the first film in all your film you had that the body of the character in your films are too heavy for them. It's like it's a burden almost. Maybe this one is a little bit different. I don't know if it's an older woman or something like that, but it seems, yeah, she's not, it's not as heavy for her that it was for the other character. Yeah, she's almost not there. And she appears, she doesn't even appear. First we hear her voice only until a certain moment. So because the real body, as I said before, is in the city. The city is the real protagonist. That's why she even disappeared at the end. We won't say everything, but yeah, we only have a little bit of a face. That's the first time you use dialogues. Yes. There's not many. But it was the first time I used dialogue and first time I worked with an actor speaking or singing. So that was very interesting. Yes, you were talking about the body and the that is part of the body. And especially you like to show a small part of the body. And I was thinking in that movie, the feet. We see the feet of the protagonist. I think a lot. It seems like a lot. Can you say something about it, or is it just like by chance? Why did I show the feet? Yes. Yes, I wanted to show the feet because, you know, in old people, the feet and the hands, they are. You can see the age in the feet and the hands, and when an old person's walking, it's also not very easy. So I chose that part to introduce her, and also she is trying to remain elegant. She's trying to remain feminine. But you can also see her age, so that's how I wanted to introduce the character. But there is a movie, you know, by John Cassavetes, Opening Night, and Cassavetes is a photographer, and at one point he said that he doesn't like to photograph young children because there is nothing on their faces, and he say, "I love to photograph old people because all these all the wrinkles and everything tell us so much things," and I think it's kind of beautiful. I mean, even if it's, of course, aging and everything, and maybe she's more beautiful without the fur coat, or maybe without the feminine side, I don't know, and only with her skin. I don't know how you feel about that. First of all, one thing that came to my mind was that my background is in fine arts, so we had nude classes, and it was always most interesting to draw old people. It was just, you know, if you had a young muscular guy or beautiful lady, there was nothing, you know, to really hook onto. But the old bodies were really always very interesting and inspiring. And The second thing is that one inspiration that I had for the character was the heroine of a documentary by the Maisels brothers, Grey Gardens. It's a story about two women, mother and daughter, who are the cousins of Jackie Kennedy, and they lived in luxury and in a beautiful house, and at the end, after the war, they declined in poverty, and they live in this house with many cats, and it's dirty, and the daughter, and they almost don't contact the outside world, and the daughter, she had some kind of a hair problem. Her hair was falling out, so she has a headscarf, and she has a fur coat that she wears occasionally. And she reminisces also on because she never married, but she's reminiscing on the time when she was a young woman, you know, enjoying the societal life and looking, having prospects of maybe a good marriage and living in, you know, in good conditions. So she's, her life is looking back to these times and the fur coat is also a kind of symbol. Marie-Pauline? Yeah, in your movies there are lots of women, maybe the same or not, so we don't know. But yeah, I really like the way you portray them because they're both feminine and at the same time they're real. They're not like beautiful women with everything you can imagine or you can see in movies usually. And I really like the way you portray them. And I was wondering if it's a conscious, you're aware of doing that, or you really want to do that, or it's just a way you like to draw. Yes, I try to make them real, which is not easy if you have a simple drawn style. It's sometimes not easy to be real and at the same time not fall into caricature. So I try to find a balance between that. But I want my characters to be I want it to be possible to identify with them. Now let's talk about something that's it's important in your movie, and you change it a little bit in this one. We're all thinking of what is she going to do now with the music, because of course in the first one and second one we have a song at the end, and it was like I was like I don't know now for you, but I was like okay, what is going to be in this one? And there is a little twist in it. How did you change it? Why did you want it to have the character sing the song and not have it, you know, in sing by somebody else? First of all, it was the idea for the ending was not there from the beginning. So it was something I developed when I came back to the film. And first of all, it's important what she's singing. The song, I think it's an iconic song and with its own context and history. And I for me, it was obvious that she has to sing it, that it has to be this old person singing and kind of struggling in a way, because when an older woman sings, it's you can feel that it's not so smooth, that it takes some effort to make that sound. So that's what I wanted to be felt, that she's making this effort for this last performance, for this gesture. So we have to talk a little bit about the song, which, like you said, it's an important song by Pete Seeger. Pete Seeger is a famous folk song. He had a problem with McCarthy during the McCarthyism in the United States. It was kind of difficult. And, of course, we know it also in France because Marlene Dietrich sang it in French, in English, and in German. Actually, in the film, it's the character sing it in German, and actually I never can say the name of the band, sorry, but Eisen Certain No Button that you used in the second film actually recorded this song also in German. On the, I stopped in the Neubauten, yes? Yes, thank you. Yes, I recorded this song in 2014. Yeah. So Yeah, sorry, that's a strong song. I mean, the meanings are really important. And when Pete Seeger wrote the lyrics at the time, it was really meaningful for him also. Can you talk a little bit more? Why did you choose the song? And of course, we talk about the maybe more political side of this film. Mm-hmm. It's important, of course, we have this song. So yeah, the song is huge. And apart from Marlene Dietrich, there's also in French Dalida. Yeah. So you can look, it's one of those songs that you can create a playlist with all the versions and it will go on and on. But I always liked Marlene Dietrich, and somehow when I was working on the film, also her character, of especially when she was older and she was this diva who was also in a way trying to stay forever grand and young, and she was known for this. She came to my mind, but I was listening to her songs, and this song, which is not really her song, it's Pete Seeger's song, but in one concert he mentioned that that Marlena sung it. It's the best version that of the song is sung by Marlena in German. So, and I also feel that in her interpretation, there's much more. It's much more dramatical. It somehow involves her own context. Even though, you know, the strange thing about the song is that it's kind of, when you look at the melody, the music, it's kind of upbeat. It's when I took away the lyrics, I felt, you know, it's something that you might sing with a guitar by a fire. But the lyrics are so meaningful and kind of heavy. Bulle de rêve, donc voilà, on est désolé hein, pour l'entretien de Martha Payet, qui a eu des petits problèmes, mais promis, un, on vous la proposerait, puis je pense qu'on vous proposera un bout de cet entretien un petit peu, c'est quelqu'un, encore une fois, qu'on aime beaucoup, et puis comme elle parle de cette chanson, ben, on va écouter Marlène Dietrich nous chanter une chanson, la chanson, cette fameuse chanson de Pete Seeger dont on parlera. Je ne prononcerai pas le nom en allemand, même si Nicolas pourrait le faire... à notre place. En anglais, en tout cas, c'est Well, Where All the Flowers Gone. Elle va être aussi traduite en français. Donc, on écoute Marlène Dietrich. Where have all the flowers gone? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräbern weht der Wind. Wann wird man Hilfe stehen? Wann wird man Hilfe stehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Donc Bulderay avec la superbe voix de Marlene Trick avec cette superbe chanson. Je disais que l'allemand évidemment était une langue magnifique. Merci Louise Caillez. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Merci Antoine, évidemment, pour la préparation de l'émission. On va finir, on aurait pu finir par Madonna, Into the Groove, pour mon côté un peu, j'avais dit, hein, la révolution par la danse. Je vous parlerai aussi de Titan to Takeon, un groupe incroyable qui mélange jazz, fusion, rock, enfin pop, voilà, ça devrait plaire, etc. Mais on va finir, je me suis dit la dernière fois, on a fini, Antoine disait en passant Godspeed que notre camp devait gagner. Et puis cette chanson qu'on vient d'entendre a été écrite par Pete Seeger, grand nom folk, grand nom de la chanson politique, qui a eu plein de problèmes pendant le macartisme, notamment aux États-Unis. Hein, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et il a fait cette version aussi qui fait un petit clin d'œil, puisqu'il en a parlé dans son émission de Noël de Francis Gavelli, une version de l'International très connue, où là il chante et en français et il explique en anglais aussi. Il traduit un petit peu. Donc on écoute l'International par Pete Seeger. Pour que notre côté l'emporte, comme disait Antoine la dernière fois. Merci beaucoup à Nicolas, comme d'habitude, derrière la console. À très vite, bye bye. Debout les damnés de la terre, debout les forces de la faim, la raison tournant contre la terre, c'est l'éruption de la fin. Du passé fait dans ta plaza, pour l'esclave debout. Le monde va changer la base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte qui n'a de reprendre-nous et demain. L'internationale sera le genre humain, c'est le guide qui n'a le groupe en nous et demain. L'international sera le genre humain. Wake up, you prisoners of hunger. The world is changing at the base. We who have been nothing will be everything. Of the past, we shall make a clean slate. Still speaks French, though. He says, it's the final battle. Then he says, we need no supreme saviors, no God, no Caesar. Producers, save yourselves. Heat up your own forge. Soufflons nous-mêmes notre forge. Blow upon the forge and make it hot. Beat on the iron while it is hot. Il n'est pas de sauveuse de freine, ni Dieu, ni César, ni Tribrin. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétant le salut commun. Pour que le voleur en de gorge pour tirer l'esprit du cachot, soufflant nous-mêmes notre forge, battant le fer quand il est chaud. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre romain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain,